Chapitre 30. L'intercession. Allah Ta'ala dit: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Sourate 4, verset 85. 246. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, rapporte: quand quelqu'un venait demander quelque chose au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci s'adressait aux personnes alors présentes en ces termes: intercédez en sa faveur et vous en serez récompensé, et Allah décrétera ce qu'il veut par la bouche de son prophète. Al-Bukhari et Muslim. 247. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, concernant l'histoire de Barirah et son mari, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit à celle-ci: pourquoi ne retournes-tu pas vivre avec lui? Ô messager d'Allah, répondit-elle, est-ce un ordre? Non, mais j'intercède seulement en sa faveur, dit-il, alayhi salatu wassalam. Je n'ai que faire de lui, avoua-t-elle. Al-Bukhari. 248.